Le rassemblement consacré au 10e anniversaire de l'inspection de diverses unités d'activité dans la province du Ramgyong du Sud par le général Kim Jong-il a eu lieu dans les usines et entreprises de la province en présence des cadres et des personnels. Il y a eu tout d'abord les rapports commémoratifs. Les rapporteurs ont dit que le général Kim Jong-il a dirigé sur place pendant quelques jours en août de l'an 96 du Jutsu 2007, malgré la chaleur caniculaire, divers domaines de la province, notamment le complexe de Vinalong 8 février, le complexe mécanique de Liangsong, le complexe d'engrais de Hungnam, la fabrique des machines minières et la fonderie de Tanchon, la menuiserie et l'usine des articles plastiques de consommation courante des militaires blessés d'honneur de Ramon. Ils ont affirmé que l'historique visite du général Kim Jong-il a été une occasion décisive qui a fait opérer un tournant révolutionnaire dans le développement des industries chimiques, mécaniques et d'extraction et dans l'amélioration de la vie du peuple. Ensuite, ils ont appelé tous les cadres et travailleurs de la province à allumer cette année clé dans l'application de la stratégie quinquennale pour le développement économique national, les flammes pour la création de la vitesse Malima, tout en s'unissant étroitement autour du dirigeant suprême Kim Jong-un avec la grande force motrice qu'est l'esprit de se renforcer soi-même.